passer les gens à 200. 200 kilos de papier accrochés, accrochés à leurs pieds tel un boulet. Toi qui cours dans le vide, laisse-nous tranquille. Toi qui cours dans le vide, laisse-nous paisibles, car nous sommes les pieds dans l'air, le cœur au vent. On garde passer les gens et leurs enfants, enfants qui poursuivent leurs parents, parents qui se foutent bien de leur tourment. Toi qui cours dans le vide, laisse-nous paisible. Toi qui cours dans le vide, laisse-nous tranquille, car nous sommes les pieds dans l'air. Sans amour et sans âme et sans argent, argent.